Prince, mes vieux amis, Afanassy Ivanovitch Dotsky et le général Yepanchin veulent me marier. Dites-moi ce que je dois faire. Je suivrai votre conseil. À ces mots, M. Totski pâlit. Le général Yepanchin, qui portait à sa bouche une coupe de champagne, la remit précipitamment sur la table. Gabriel Ardalionitch courba les chines. Et les autres invités ouvrirent de grands yeux. Pourquoi vous taisez-vous, prince? Allons, répondez. Et qui épouseriez-vous, Nastassia Philippovna? Mais Gabriel Ardalionitch Volgin. Non, non, ne l'épousez pas. Au nom du ciel, ne faites pas cela. Qu'il en soit ainsi. Gabriel Ardalionitch, vous avez entendu ce que le prince a dit. L'affaire est donc réglée. Je ne me marie pas avec vous. Nastassia Philippovna, mais c'est insensé. Qu'avez-vous à prendre la vie du prince, d'un homme qui ne jouit pas de toute sa raison? Le choix d'un mari est une chose sérieuse, Nastassia Philippovna. Vous semblez la prendre plutôt à la légère. Vous ranger à la vie d'un prince Mishkin, ce n'est pas l'entendement. Qu'avez-vous, messieurs? Pourquoi vous agitez-vous ainsi? Enfin, que signifie ce brusque changement, Nastassia Philippovna? Vous auriez dû réfléchir avant et m'épargner une telle déception, un tel chagrin. Mais comment pouvez-vous, devant tous ces gens, vous dédire, vous parjurer ainsi? Non, tout cela n'est pas sérieux. Je ne vous comprends pas, général. D'abord, que signifie devant tous ces gens? Ne sommes-nous pas en bonne et intime compagnie? Et puis pourquoi prétendez-vous que ce n'est pas sérieux? J'ai demandé au prince si je devais me marier avec Gabriel Ardalionitch. Il suffisait que le prince dise oui pour que je donne aussitôt mon consentement. Mais il a dit non. Alors je refuse. En quoi cela n'est-il pas sérieux? Permettez, Nastassia Philippovna. Le prince, qu'a-t-il à faire dans nos projets? Et qui est-il à la fin? Il est le premier homme en qui j'ai cru. Donc. Voilà. Et lui aussi, il a cru en moi, dès qu'il m'a vu. N'est-ce pas, prince? Mais il me semble que vous voulez me dire quelque chose, Gabriel Ardalionitch. Ne vous gênez pas à parler? Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez pris enfin une décision, c'est bien. Il ne me reste plus qu'à m'écarter de votre chemin. Mais le prince, quel rôle joue le prince dans cette affaire? Le prince espère-t-il... Toucher 75 000 roubles. Est-ce cela que vous voulez dire, Gabriel Ardalionitch? Loin de moi la pensée. Vous craignez que le prince entre en possession des 75 000 roubles. Que vous convoitiez. Rassurez-vous, le prince n'aura pas cet argent. Afanassy Ivanovitch, faites-moi la grâce de reprendre vos 75 000 roubles. Mais ils sont à vous, Nastassia Philippovna. Je ne peux pas sans me déshonorer. Reprenez-les, vous dis-je. Et sachez que je vous rends votre liberté à titre gracieux. Il faut que vous aussi, vous puissiez enfin respirer. Vous avez tremblé 9 ans à cause de moi. Mais en voilà assez. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je veux le fêter dignement. Oh, j'oubliais. Voilà aussi vos perles, général. Vous en ferez cadeau à votre femme. Mais ces perles, je vous les ai offertes. Oh, Nastassia Philippovna, je suis bien perplexe. Je me demande si je dois vraiment... Et demain, je quitte cet appartement pour toujours. Oh. Il n'y aura plus de soirée, messieurs. Ces mots dits, Nastassia Philippovna se leva comme si elle voulait prendre congé de ses invités. La voyant debout, tous s'agitèrent et l'entourèrent. Une inquiétude sincère était peinte sur leur visage. Ils étaient vraiment attristés à la pensée qu'ils ne verraient plus Nastassia Philippovna. Et ils le lui disaient tous à la fois. Et voilà le dénouement final. Il est 11h30, je vous prie de vous rasseoir, messieurs. C'est le dénouement final, vous dis-je. Et Nastassia Philippovna se rassit. Un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. Elle fixa son regard sur la porte et se pencha légèrement en avant. Dieu sait ce qui arrive là-bas, Barina. Il y a une dizaine d'individus grossiers qui demandent à entrer. Ils disent que Parfen Rogojin est là et que vous savez de quoi il s'agit. C'est vrai, Macha. Fais-les entrer. Tous ! Mais il y en a qui sont ivres morts. Mais tous, n'aie pas peur. Ferez tous entrer, Macha, jusqu'au dernier. Bien, bien, madame. Si je m'écoutais, j'appellerais plutôt les sergents de ville, moi. Macha partit. Nastassia Philipovna se tourna vers ses invités. Elle était plus pâle que jamais. Mais ses yeux brillaient d'une flamme ardente. Mes amis, cela va vous choquer, sans doute. Je le regrette. Et vous prie de m'excuser, mais je ne pouvais pas faire autrement. Si vous préférez vous retirer, faites-le. Personne ne s'en va? Non? Alors c'est bien. Je vous remercie, messieurs, de bien vouloir rester et de me témoigner ainsi votre attachement. Entrez, messieurs, entrez! Ne me faites pas languir. Allons, Rogojine, dépêche-toi. Vous êtes un homme de parole, parfait, Rogojine. Prenez donc place. Et dites-moi quel bon vent vous amène chez moi. Parfait, Rogojine, immobilisé sur le seuil de la porte, avança d'un pas hésitant vers le milieu de la pièce. Il regarda un moment Nastassia Philipovna d'un air timide, puis gagna la table. Il y déposa un grand paquet ficelé de tous côtés et passablement sale. Puis, comme un accusé qui attend le verdict, il s'immobilisa devant Nastassia Philipovna, les yeux baissés, les bras pendant le long du corps. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, Davin de Chanclos, Afanassy Totski, Liliane Bell, Macha, avec Pierre Bertin, le général Yepanchin et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.